débutant d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée au 19e siècle. Aujourd'hui, une question simple, pourquoi le 19e siècle ? La publication d'une histoire du monde au 19e siècle chez Fayard nous donne l'occasion de repenser ce siècle qui, le premier, se nomma par son chiffre. Quelles en sont les bornes chronologiques ? A-t-il été perçu comme tel dans chaque espace du monde ? La centaine d'auteurs qui a collaboré à cet ouvrage publié chez Fayard nuance considérablement ce qu'on croit savoir de cette époque. Oui, il y a bien eu multiplication des contacts et contemporanéité des expériences, mais celle-ci a également provoqué des mouvements de rejet de ce qu'on a appelé la modernité ou encore du nationalisme. Oui, les villes ont grandi partout dans le monde, mais l'expérience urbaine a-t-elle été la même partout ? Industrialisation et désindustrialisation ont pu aller de pair, par exemple, en Inde ou au Moyen-Orient. Embrasser une telle complexité donne parfois le vertige. C'est ce que nous explorerons dans l'émission d'ouverture de notre série sur le 19e siècle avec Anaïs Quien qui a préparé cette semaine avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Avec Christophe Charles, il est professeur à Paris-Sorbonne. Il est spécialiste d'histoire des intellectuels et également d'histoire des cultures d'Europe au 19e siècle. On peut citer entre autres la dérégulation culturelle et c'est d'histoire des cultures en Europe au 19e siècle paru il y a 2 ans maintenant aux presses universitaires de France. Et Pierre Saint-Garvey-Loup, il est professeur d'histoire à Paris à Panthéon-Sorbonne et un des deux directeurs de cet ouvrage avec Sylvain Venner, donc l'histoire du monde au 19e siècle chez Fayard. J'ai longtemps habité sous le vaste portique que les soleils marins teignaient de mille feux. Et que leur grand pilier droit et majestueux rendait pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles en roulant les images des cieux mêlées d'une façon solennelle et mystique, les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du reflété par mes yeux. La vie antérieure de Charles Baudelaire, poème du 19e siècle, mise en musique par Henri Duparc et interprétée au 20e siècle par Colette Magny pour ouvrir donc notre série d'émissions consacrée au 19e siècle. Bonjour à vous Christophe Charles. Bonjour. Et donc professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et bonjour à vous Pierre Saint-Garvey-Loup. Bonjour. Merci d'être tous les deux là. Vous avez tous les deux participé, donc Christophe Charles par un épilogue à ce grand ouvrage que vous avez coordonné, Pierre Saint-Garvey-Loup, avec Sylvain Venner chez Fayard, l'histoire du monde au 19e siècle, une entreprise qu'il a fallu 8 ans pour pouvoir mené à bout d'une certaine façon avec une centaine d'auteurs, c'est ça ? Oui, une entreprise débutée en 2009-2010 avec Sophie de Closé qui était à l'époque éditrice responsable de l'histoire. Et puis une aventure qui s'est prolongée de nombreuses années parce que, au fond, le projet n'a pas évolué au fur et à mesure, mais surtout on a intégré progressivement de nouvelles entrées. Des auteurs défaillants ont été remplacés. Donc voilà, un travail au long cours. Qui paraît maintenant simplement. Et difficile à cerner d'une certaine façon parce que vous avez choisi un mode éclaté pour pouvoir raconter ce 19e siècle, un plan donc qui met l'accent sur certains événements, sur certains objets. On en parlera plus exactement dans une émission de la semaine, la matérialité pourrait-on dire du 19e siècle, sur certains espaces géographiques et sur des temps qui sont des temps un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas vécus de la même manière partout dans le monde, alors que la contemporanéité est le signe, pourrait-on dire, de ce 19e siècle entre tous ces espaces du monde entier. Oui, la première question à laquelle on a été confronté, c'est cette forme. Quelle forme donner au récit? Quelle architecture conférer à cet ouvrage? Il existe déjà d'excellentes histoires du monde au 19e siècle, notamment celle de Christopher Bailey publiée en 2004, celle de Jürgen Ostermael. Qui est rééditée d'ailleurs. Qui est rééditée en 2008. Qui est traduite cette année, qui a paru en 2009 en allemand. Ces ouvrages proposent des récits. Des récits, alors plus ou moins linéaires, de grands récits. Nous, on a choisi au fond de s'adapter peut-être au 19e siècle, qui est une période foisonnante, discordante, bien souvent. Et donc, il fallait trouver une forme qui permette de restituer cette multiplicité, cette diversité des points de vue, des perspectives, des situations historiques, d'où la nécessité, de thématiser naturellement ce siècle, comme l'a fait Ostermael, mais aussi d'inventer de nouvelles entrées, de nouveaux biais d'analyse. Anaïs Kien. Mais depuis le début de cette émission, on ne s'interroge pas sur la nécessité de faire une histoire du monde au 19e siècle. Siècle qui reste quand même pourtant très mal aimé dans l'imaginaire historique de nombreux Français, on voit une espèce de trou comme ça dans la mémoire historique entre la Révolution française et grosso modo la Commune. Pourquoi choisir ce siècle-là? Alors dans l'introduction, vous abordez cette question des bornes chronologiques en jouant d'ailleurs avec ces bornes, tout en nous disant que finalement il n'est pas tant nécessaire que cela de justifier le 19e siècle, mais de le proposer comme un terrain de jeu pour le jeu historique que vous proposez dans cet ouvrage. Oui, alors le 19e siècle, c'est à la fois un siècle qui nous est familier, parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure, on le considère souvent comme la matrice de la modernité, de notre modernité, et en même temps, il contient suffisamment d'étrangeté pour susciter l'intérêt de l'historien. Alors moi, j'ai un rapport un peu particulier au 19e siècle, parce que je ne me considère pas comme 19e-iste. Je travaille sur la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Donc je ne me suis jamais considéré comme tel. Il se trouve que, alors sans céder à l'illusion biographique rétrospective, il se trouve que mes principaux thèmes de recherche depuis 20 ans, depuis mon premier travail sur l'histoire de l'orientalisme, sous la direction de Christophe Charles ici présent, eh bien, mes principaux thèmes de recherche se croisent et animent ce 19e siècle, c'est-à-dire, grosso modo, l'histoire des sciences humaines, la naissance des sciences humaines, donc de ces savoirs et de ces représentations à la fois de soi-même et de l'autre, qui permettent de penser le monde et de produire des catégories de l'entendement historique, qui apparaissent précisément en ce 19e siècle. La deuxième thème, c'est la colonisation, la question de la domination coloniale. Et puis, le troisième thème, pour le coup, qui est son corollaire, qui est cette mondialisation, alors qu'on l'appelle la deuxième mondialisation ou pas. Il se trouve que cette séquence, 1800-1900, pour utiliser des chiffres ronds qui n'ont aucun sens et qui suscitent précisément la moquerie, par exemple, des Chinois lorsqu'ils évoquent ce 19e siècle européen, permet de croiser ces trois thèmes qui m'intéressent tout particulièrement. Alors, Christophe Charles, c'est vrai que vous êtes spécialiste vous-même de ce 19e siècle, mais dans l'épilogue de cet ouvrage, Histoire du monde, vous dites que tenter de le cerner, ce 19e siècle, est extrêmement difficile parce qu'il est, peut-être comme toutes les autres périodes historiques d'ailleurs, il fuit entre les doigts, un peu comme du sable qui coulerait entre ses doigts quand on veut le saisir, et que à chaque fois, on est, disons, surpris par ce que l'on trouve lorsqu'on recherche, qui n'est pas exactement ce que l'on croit savoir. Mais ça, c'est le principe même de la recherche, Christophe Charles. Oui, je crois que c'est surtout vrai parce que l'échelle du livre est une échelle mondiale et effectivement, ces dates que nous avons en tête, qui sont des dates européennes ou des dates françaises, n'ont pas de sens au Moyen-Orient, n'ont pas de sens même en Amérique latine parce que le rythme historique n'est pas le même et nos découpages sont un peu plaqués sur d'autres parties du monde. Or, le but, c'était quand même d'arriver à montrer que même s'il y a ces décalages énormes entre les parties du monde, il y a finalement un certain nombre de dynamiques communes qui finissent par se répandre. Alors évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans l'européocentrisme, c'est-à-dire dire que tout vient de l'Europe et que le monde se met au diapason de l'Europe, ce qui créerait une sorte d'unité du 19e siècle par adhésion à ce modèle européen, alors qu'en réalité, on voit, comme l'a dit Pierre Saint-Garavelou tout à l'heure, qu'il y a des fortes résistances, des rébellions, des contre-mouvements. Mais en tout cas, c'est ça une première idée, c'est comment le monde devient le monde, finalement. Comment il y a une véritable expansion de thématiques qui, avant, étaient totalement disjointes au cours du temps. Et peut-être une conscience aussi de et une conscience parce que, en même temps que cette mondialisation a lieu, il y a une diffusion de l'information, la construction d'un espace informationnel avec les grandes agences d'information qui font que, par exemple, une explosion volcanique en insulinde, le Krakatoa, finit par être connu à l'autre bout du monde et a des effets perceptibles à l'autre bout du monde. Donc, on n'est plus simplement dans une construction intellectuelle postérieure faite par l'historien qui met en relation des phénomènes. C'est les contemporains eux-mêmes qui commencent à ressentir ces rythmes communs, avec des décalages bien sûr, mais quand même un certain nombre de rythmes communs. Il y a aussi le phénomène des grandes migrations, qui était un des phénomènes majeurs du 19e siècle, aussi bien la traite d'esclaves que les migrations volontaires de gens qui fuient l'Inde ou qui fuient la Chine ou qui fuient l'Europe pour trouver un sort meilleur au-delà des mers. Donc ça, c'est des phénomènes, évidemment, qui sont à une échelle et une ampleur qu'il n'y avait pas aux époques antérieures. Donc ça, c'est aussi un certain nombre de points communs qui permettent de justifier l'entreprise de regarder les choses à l'échelle du monde. Anaïs Quien. Et puis peut-être aussi, Christophe Charles, on a devant nous, lorsqu'on regarde le 19e siècle, un massif d'écrits, notamment d'écrits de soi, c'est-à-dire que quand on se penche un petit peu sur le 19e siècle, finalement, en tout cas pour l'Europe de l'Ouest, les gens écrivent énormément sur leur perception du monde. Oui, c'est lié aussi à la diffusion de l'instruction, à la diffusion de l'écriture, à la capacité d'imprimer tous ces textes, puisque beaucoup... Oui, ils écrivent et ils les publient. Voilà, donc il y a des souvenirs, des mémoires, des journaux, et même des redécouvertes, puisque au XXe siècle, on a retrouvé des tas de choses qu'on a republiées. Donc c'est vrai qu'on a une surabondance d'écrits beaucoup plus personnels, beaucoup plus divers, venant de toutes les catégories sociales, y compris les classes populaires, ce qui n'était évidemment que très peu possible auparavant. Et on a aussi l'accessibilité à des nouvelles cultures, puisque le 19e siècle, comme l'a dit Pierre Saint-Garavelou, c'est aussi le siècle de découverte des autres à travers les nouvelles sciences qui s'intéressent à l'Asie, à l'Amérique, à l'ethnologie, à l'anthropologie. Et donc, des tas de choses qui étaient inconnues vont surgir et entrer dans le discours public. Alors ça, ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce changement d'échelle, passer à l'échelle mondiale. On sait qu'il y a toute une école qui s'intéresse à cette question, justement, Pierre Saint-Garavelou, qui permet, par exemple, et ça vient d'être cité à l'instant par Christophe Charles, à quelqu'un qui travaille sur la question des migrations au 19e siècle, de nous dire qu'il y a 30 à 50 millions d'Indiens qui se déplacent vers le sud-est asiatique à la fin du 19e siècle, qu'il y a, je crois, 30 millions de Chinois qui se déplacent vers le nord, du côté de la Mandchourie, au 19e siècle, alors qu'évidemment, on a en tête essentiellement, quand on s'intéresse à ces questions de migration, l'immigration de l'Europe vers d'autres espaces extra-européens, comme ça peut être le cas en Afrique ou encore en Amérique du Nord, Pierre Saint-Garavelou. Oui, alors concernant ces migrations, comme en fait, pour la plupart des grands thèmes qui sont évoqués dans cette première partie du livre qui concerne les grandes transformations du monde, hein, elle s'intitule « L'expérience du monde », il s'agit de revisiter ces grandes questions qu'on considère habituellement comme voilà les moteurs de l'évolution historique, c'est-à-dire l'industrialisation, l'urbanisation, la colonisation, la christianisation du monde à partir de l'Europe. Alors vous donnez l'exemple des migrations, il est particulièrement éloquent puisque on considérait jusqu'à la fin du XXe siècle quasiment exclusivement les migrations dites blanches transatlantiques, c'est-à-dire ces 60 millions d'Européens qui quittent le vieux continent pour s'installer dans les Amériques et accessoirement en Australasie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a d'ailleurs un titre d'ouvrage qui s'appelle « Le temps des migrations blanches » ou quelque chose comme ça. Voilà. Précisément. Ouais. Et Adam McKeon, qui est spécialiste des migrations globales, selon son expression, et notamment chinoise, montre bien dans cet ouvrage, eh bien, que ces migrations blanches ont été évidemment extrêmement importantes parce qu'elles ont remanié la démographie mondiale au cours du 19e siècle, mais que les migrations extra-européennes et notamment asiatiques ont été tout aussi importantes, avec ces 50 millions de Chinois qui quittent leur village pour aller travailler plus loin, ces 30 millions d'Indiens qui quittent le sous-continent pour aller travailler non seulement dans des colonies voisines de l'Inde, mais aussi à l'autre bout du monde, aux Antilles, par exemple. Et c'est... qui vont faire que l'île Maurice ou des endroits comme ça vont devenir des îles indiennes, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Comme Fidji et comme l'île Maurice. Évidemment, les 400 000 coulis ou migrants indiens de l'île Maurice vont évidemment transformer le destin de cette île. Et c'est particulièrement important parce que ces Chinois, ces Indiens, mais aussi ces millions d'Africains qui sont mobiles avant et après l'intrusion européenne, eh bien, sont des acteurs de la mondialisation, ou de ce qu'on appelle la mondialisation culturelle et économique du 19e siècle. Sans compter les 17 millions de Russes qui s'en vont du côté de l'Asie centrale et de la Sibérie pendant ce même 19e siècle, Anaïs Kia. Oui, on entend bien aussi, Pierre Saint-Garavelou, que ces grands événements, au-delà de la dénomination 19e siècle, créent des événements de mémoire nationale, de mémoire de groupe, en tout cas, qui se fondent à ce moment-là. Mais là, le 19e siècle n'est pas présent dans les catégories d'analyse de ces millions de ces milliers de Chinois qui se déplacent à ce moment-là. On n'est pas du tout dans un siècle, mais on est sur un événement. D'ailleurs, on a cette sensation-là. Vous commencez, ouais, d'ailleurs, bien, l'ouvrage comme ça, par une, ouais, liste, ouais, sans fin d'événements majeurs qu'on a tout à fait oubliés aujourd'hui, oui, mais qui fondent les mémoires nationales. Oui, le 19e siècle, c'est l'histoire aussi de la progressive, mais non inéluctable, et en tous les cas discontinue, standardisation de l'espace-temps mondial. C'est-à-dire que tout au long du 19e siècle, prévalent encore des systèmes de mesure du temps, évidemment de l'espace, qui ne sont pas d'origine européenne. En Chine, c'est le calendrier dynastique qui fonctionne très très longtemps jusqu'à la fin du siècle. On compte les années à partir de l'égir dans le monde musulman. Le calendrier hindou, de la même façon, continue à être très important. Et c'est seulement à la fin du siècle, avec notamment cette conférence de Washington de 1884-1885, étudiée par Nicolas Delalande, qui montre bien que les Britanniques parviennent dans les années 1880, à uniformiser l'espace-temps mondial à partir de leur méridien de Greenwich. Et finalement, pour les calendriers, c'est le même phénomène. Le calendrier grégorien ne s'impose dans la plupart des pays du monde qu'au tout début du XXe siècle. Avec ce paradoxe, Christophe Charles, que dans ce même 19e siècle, dont on veut penser comme étant un siècle d'ouverture, d'expansion, de transport des informations et de transport des personnes, il y a aussi des replis, en particulier le développement du nationalisme. David Todd, dans cet ouvrage, dit que la mondialisation du 19e siècle, en s'accélérant, est devenue paradoxalement productrice de nationalisme, ce qu'on disait déjà la semaine dernière avec Emmanuel Loyer dans cette même émission à propos de la question de l'histoire culturelle de l'Europe. Oui, ces phénomènes sont dialectiquement liés, bien entendu. L'intrusion de l'extérieur suscite un repli ou un refus pour certains, d'autres l'acceptent. Enfin, il y a toujours différentes attitudes possibles face au changement. C'est une loi générale de l'histoire. Alors, le nationalisme, dans sa version contemporaine, c'est-à-dire la construction, comme le montre Anne-Marie Thiès dans son livre, d'une identité qui, en fait, est largement une construction artificielle, ou en tout cas fondée sur un bricolage idéologique. Alors, ça ne va pas de soi quand on raisonne à l'échelle du monde, puisque le monde a été gouverné pendant une très grande partie de son temps par des grands empires, où justement on essayait de construire un lien qui n'était que lié à une dynastie, à un personnage mythique, etc., et où les communautés en dessous continuaient d'avoir une vie beaucoup plus locale. Mais là, du fait de ces bouleversements et de ces mouvements, on essaye de construire des unités intermédiaires pour redonner des repères. Enfin, on peut expliquer ce phénomène du nationalisme comme ça. Mais il y a aussi, évidemment, une résistance culturelle, hein, puisque c'est souvent culturel, d'abord le nationalisme, à l'invasion de la culture extérieure, et en particulier européenne. Hein, la plupart des grands mouvements de révolte, aussi bien en Chine, en Inde, en Afrique sont d'abord une réaction et une réponse à l'arrivée de l'étranger ou du barbare, mais pour construire l'unité de ceux qui résistent, il faut justement une communauté supérieure pour créer une identité. Avec une ambiguïté, Pierre Saint-Garavelou, c'est que, et vous le citez en ouverture de ce livre, on trouve des statues Yoruba de la reine Victoria. Et aujourd'hui, quand on les voit dans un musée, on ne sait pas très bien comment les interpréter. Qu'en faisait-on de ces statues Yoruba? Que faisait-on des boîtes de chocolat offertes par les Britanniques à leurs serviteurs en Inde, des boîtes de chocolat suisses et qu'ensuite les serviteurs exposaient dans leur intérieur comme étant une sorte d'autres rêvés, à savoir la Suisse ou l'Autriche avec les clochers tyroliens? Oui, alors les statues Yoruba sont un exemple type d'objet extrêmement complexe dont il est très difficile d'analyser les usages sociaux et la réception. On pensait très longtemps qu'il s'agissait de statues sculptées en bois dans l'Ouest africain à partir des années 1880, notamment à l'occasion du jubilé de la reine Victoria, pour les premiers touristes européens en Afrique. Alors en fait, on s'est rendu compte que en réalité, ces statues Yoruba étaient achetées par notamment les femmes criot de Sierra Leone, c'est-à-dire les femmes de la bourgeoisie ou des classes moyennes éduquées Sierra Leonaises, pour tout simplement habiller leur intérieur et signifier leur attachement à la culture britannique. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Pagode de Claude Debussy, interprétation de Walter Gieseking au piano, donc un de ses nombreux ouvrages, donc de ceux qui s'inspiraient des musiques entendues par exemple pendant les expos universelles au 19e siècle. Christophe Charles, une des particularités d'un ouvrage comme l'Histoire du monde au 19e siècle et peut-être de beaucoup d'ouvrages collectifs comme celui-ci, c'est d'apparaître d'une certaine façon, quand on lit tous les articles extrêmement savants, comme moins assuré que l'auteur d'une histoire universelle au 19e siècle soi-même. C'est-à-dire que tous les auteurs vous disent, voilà, je vous pose une interprétation ici, mais en même temps, je ne suis pas très sûr que cette interprétation sera la bonne ou ne peut pas être critiquée par quelqu'un d'autre, Christophe Charles. Oui, mais c'est lié au fait que ce qu'on appelle les grands récits, qui était quand même la grande invention du 19e siècle en histoire, hein, construire un grand récit qui permet de comprendre la nation dans son développement. Ou le mouvement ouvrier. Ou le mouvement ouvrier, ou la révolution industrielle, ou l'industrialisation. Enfin, ces schémas très unifiés, évolutionnistes, ne peuvent pas effectivement rendre compte de la diversité, à la fois de l'espace, puisqu'on a des mondes qui ne sont pas du tout accordés, qui sont décalés, et ne peut pas non plus rendre compte de la diversité, même des réactions d'un espace relativement petit comme l'Europe, où on a à la fois les phénomènes qui correspondent aux schémas types les pays industriels, mais on a aussi des pays qui, au contraire, ne rentrent pas du tout. Tout l'Est de l'Europe, le centre de l'Europe, reste très en décalage et sont encore dans des économies tout à fait traditionnelles. Donc, dire l'Europe s'industrialise, c'est dire l'Europe du Nord-Ouest s'industrialise, c'est pas dire la totalité. Inversement, il y a des appauvrissements de l'Europe du centre et de l'Est. Donc, aucune partie du monde ne réagit de la même façon et au même rythme. Et du coup, on est obligé à chaque fois d'introduire des nuances, des contradictions, des inversions de sens. Anaïs. D'ailleurs, on atteint un climax d'une certaine façon de cette mise en doute du travail d'historien lui-même dans votre épilogue, l'épilogue que vous signez dans cet ouvrage, Christophe Charles, où vous dites en gros, en fait, on n'y arrive pas à écrire cette histoire mondiale pour le moment. C'est surtout que ça demande de plus en plus de sources, parce que il faudrait maîtriser l'ensemble des langues de la Terre, ce qui est quand même compliqué pour un seul homme, ou plusieurs hommes même, ou plusieurs femmes. Il faudrait aussi avoir des sources également disponibles. Or, il y a des grands décalages de disponibilité d'archives, de documentation. On ne peut mesurer les choses que si on a un minimum de statistiques. Or, l'âge de la statistique commence au XIXe siècle, mais il est encore très inégalement réparti entre les parties du monde. Donc, quand on vous dit qu'il y a un taux de croissance de tant de pourcents en Chine et un taux de croissance de tant de pourcents aux États-Unis, on peut avoir quelques doutes sur la fiabilité de ces estimations, vu qu'on sait qu'elles reposent sur des statistiques dont la sûreté est très, très inégale. Donc, c'est pour ça que on peut pas toujours dire clairement c'est ça ou c'est ça, parce qu'on n'a pas la base même de la documentation et de la comparaison. Les historiens sont captifs aussi de la pensée de leurs aînés pour le moment qui n'en étaient pas arrivés là justement. On est au tout début. Oui, c'est sûr que c'était plus rassurant quand on avait un schéma type qu'on reproduisait. Là, on est obligé de repenser ces schémas types et on n'a pas encore eu le nouveau Braudel qui va nous faire le grand schéma qu'il avait fait dans Civilisation, Économie et Capitalisme. Mais est-ce qu'il s'agit justement de trouver d'autres schémas ou au contraire Si on veut être pédagogue, il faut un petit plan. Vous savez bien, quand on fait un cours, il faut un plan, sinon les élèves sont perdus, l'auditoire est perdu. Donc c'est vrai que si on ne peut pas dire clairement, voilà, il y a ça, ça et ça, les gens sont inquiets. Oui, Pierre Saint-Gervais-Loup, c'est d'ailleurs une des grandes qualités de cet ouvrage que de mettre le doute au cœur de son propos, d'une certaine façon. C'est-à-dire que non seulement tous les auteurs, mais Christophe Charles, dans son épilogue, insiste sur là-dessus, relire l'histoire du monde d'une manière globale sans pour autant en supprimer la multiple variété, se heurte aux difficultés inhérentes au moment historique où nous écrivons. Oui, alors c'est très important ce que vous dites sur l'incertitude, Emmanuel. Parce qu'en fait, l'incertitude, aujourd'hui, c'est sans doute l'apanage de toute histoire globale réflexive. Une histoire globale qui résulte forcément de gains de connaissances. C'est-à-dire que l'histoire globale, elle est intéressante à condition d'être plus complète que ce qui s'est fait avant. Et donc le fait, évidemment, d'essayer de restituer une multiplicité de perspectives, de points de vue, essayer de rééquilibrer la balance des sources étudiées, forcément ça suscite une incertitude qui fait que le point de vue de l'historien vacille en permanence, et on retrouve cela dans tous les premiers chapitres du texte, y compris par exemple le chapitre de Sylvain Venner sur l'histoire des transports et des communications, qu'on pensait bien connaître, cette unification du monde, à l'origine de cette globalisation avec l'installation des derniers câbles sous-marins transcontinentaux dans les années 1860, eh bien Sylvain Venner achève son chapitre en nous expliquant tout de même que ce 19e siècle est l'apogée du portage à dos d'homme qui a caractérisé tout l'ancien régime mondial. Même chose pour l'article que vous écrivez sur la colonisation, Pierre Saint-Gervais-Loup. Vous expliquez d'abord qu'il faut se souvenir qu'il y a eu, on l'a beaucoup oublié avant la parution d'un ouvrage récent, je crois que c'était chez Anacharsis, il y a eu un empire comanche, par exemple, avant 1850, dans le sud des États-Unis, mais qu'il y a eu des empires, évidemment, un peu partout, et que cette colonisation, si on y regarde de près, et là, ça peut apparaître comme une sorte de parti pris de votre part, eh bien, elle a touché aussi des Chinois qui ont colonisé, les Mandchous qui ont colonisé les peuples voisins, le peuple Han, des Indiens, etc., etc., et qu'il n'y a pas une sorte d'apanage purement européen de ce processus de colonisation. Oui, parce qu'en fait, on peut aussi vous dire, attendez, alors là, c'est une façon de se dédouaner d'une façon pour les Européens que de dire qu'il y a d'autres modes de colonisation que la mode colonisation européenne. Bien sûr, mais c'est le résultat, si vous voulez, de cette enquête. C'est-à-dire que j'ai terminé cette enquête en trouvant ce sous-titre un peu accrocheur qui est « Décolonialiser le colonialisme ». C'est-à-dire que les études postcoloniales, à la suite d'Edward Said, on se sont appliquées à tout décoloniser, sauf précisément la notion de colonialisme, en considérant, comme les Européens précisément du 19e siècle, que la colonisation est l'apanage de l'Europe et de l'Occident, est une des caractéristiques de cette modernité, et que finalement les populations extra-européennes n'avaient pas accès à cette pratique politique administrative. En fait, moi, je suis pas parti de là. Ça, c'est la conséquence de cette enquête. Mon point de départ, c'est la carte du monde au début du 19e siècle. Ce qui est aussi intéressant que les débuts des grands empires européens planétaires, c'est qu'au début du 19e siècle, eh bien, il existe des formes impériales extra-européennes, comme vous l'avez dit. Le Vietnam au Cambodge. Le Vietnam au Cambodge entre 1810 et 1848. Les Mandchous, disons, en Mongolie, à Taïwan, dans le Xinjiang. Et puis cet empire Comanche, étudié par Malainen. Mais tout de même, vous dites, la particularité, c'est que les puissances européennes vont s'entendre sur leur projet mondial, et cela, ça change complètement la donne. Oui, parce que l'idée n'est pas de tout relativiser et d'adopter une forme de réductionnisme qui serait finalement de dire, ben regardez, l'Empire chinois, c'est exactement la même chose que l'Empire colonial britannique. Pas du tout. Pas du tout. C'est de montrer évidemment des similitudes. Le fait que les Vietnamiens aient précédé les Français dans une politique assimilationniste, ça n'est pas sans intérêt. Mais en même temps, ça nous permet de mieux comprendre les spécificités des empires coloniaux européens qui ont été les seuls à avoir une dimension planétaire. Et de ce fait, ces empires coloniaux qui fonctionnent bien souvent suivant des formes de coopération, jusque, disons, au début du XXe siècle, ont été des vecteurs privilégiés de la mondialisation. Anaïs Kien. Je reviens peut-être justement sur l'apport de toutes ces connaissances qui semblent familières, qui sont pourtant peu sues, et qui créent une sorte de relation comme ça au XIXe siècle où on a à la fois un sentiment de familiarité et un grand sentiment d'étrangeté, typiquement le train, le chemin de fer qu'on a l'impression de voir partout, mais ce transport à dos d'homme dont vous parliez, Pierre Singer-Révélou, et qui atteint justement son acmé au XIXe siècle. Finalement, inquiéter les lecteurs, est-ce si grave que cela? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être passer par un gros moment de mise en inquiétude des connaissances historiques, Christophe Charles, plutôt que d'y aller petit pas à petit pas sans oser d'une certaine façon abattre une partie des schémas que l'on applique encore aujourd'hui. Bon, l'inquiétude, de toute façon, elle est inhérente à la vie humaine, donc faut peut-être pas nous plus donc nous il faut y faire d'une certaine peut-être façon. Pas nous accabler. Nous sommes pas le seul sujet d'inquiétude. Moi, à chaque fois que j'ouvre la radio, y compris France Culture, et que j'entends les nouvelles du jour, je suis encore plus inquiet que la veille. Donc, non, mais il y a une crainte de la part des historiens. Non, bien sûr, on aimerait que l'histoire nous rassure, mais l'histoire, attention de ne pas inquiéter le public. Je crois qu'il faut pas croire que l'histoire est faite pour rassurer. Je pense qu'elle a jamais été faite pour ça, sauf quand c'est de la propagande, mais c'est pas de l'histoire. Donc, je pense qu'il faut pas nous faire ce procès. Non, je crois que, au contraire, ça nous permet de voir qu'aujourd'hui, où nous n'y comprenions plus rien, il faut bien le dire. Enfin, en tout cas, comme on n'a pas de recul et qu'on découvre les choses au jour le jour, on recense ce que devait ressentir. Ça nous permet de comprendre comment les gens ressentaient cela au XIXe siècle, puisque nous vivons une période tout à fait similaire d'ébranlement de toutes sortes de certitudes qui avaient été établies, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Eh bien, je pense que ça nous permet d'avoir accès à ce que pouvaient ressentir historiquement ces gens du XIXe siècle, enfin, ces gens très très divers, quand ils étaient confrontés à tous ces bouleversements beaucoup plus rapides qu'à aucune autre époque. Donc je crois que c'est une façon d'avoir une empathie, à la fois pour mieux comprendre ce que nous vivons nous, mais aussi pour comprendre ce qu'ont vécu ces gens. Prenons l'exemple de quelque chose que vous connaissez très bien, en tant que spécialiste d'histoire des cultures européennes, de comparaison des grandes capitales européennes au XIXe siècle en matière de culture et d'intellectuels. Christophe Charles, il y a un article de Dominique Khalifa sur ces questions et qui parle de la question de la ville en ébullition, qui serait la ville européenne, dit-il, par exemple, contre d'autres types de villes. Et vous disiez tout à l'heure, effectivement, l'expérience urbaine n'était sûrement pas la même dans des villes qui étaient peut-être des villes en termes de population, en termes de nombre d'habitants, mais qui n'avaient peut-être pas les mêmes structures que les structures des villes européennes, en l'occurrence Christophe Charles. Ah oui, ça c'est évident que une ville chinoise, une ville arabe et une ville européenne sont très très différentes. En même temps, c'est le moment où il va y avoir, à cause de cette irruption des comptoirs, par exemple en Chine, ou de l'arrivée Shanghai. Des colonisateurs en Afrique du Nord, il va y avoir un bouleversement de ces villes traditionnelles qui vont avoir à côté d'elles la naissance d'une deuxième ville et une confrontation de deux modes de vie urbains, à la fois affrontés, séparés, mais en même temps en interaction. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas simplement de faire un inventaire plat, mais montrer cette dynamique de greffe ou de rejet entre ces espaces urbains. Et ces villes sont aussi très importantes parce que c'est elles qui relient finalement toutes les parties du monde. C'est par elles que passent les informations, c'est par elles que se diffuse l'imprimé ou les nouvelles qui bouleversent le monde. Donc elles sont vraiment les centres nerveux, comme aujourd'hui les grands clouds informatiques. Elles sont les centres nerveux de cette mondialisation et de cette interaction nouvelle qui a lieu d'un bout à l'autre. Anaïs Kien. Mais Pierre Saint-Garavelle, vous dites bien aussi, lorsque vous décrivez ce terrain de jeu que vous vous proposez, que à défaut de pouvoir trouver immédiatement de nouveaux schémas, il faut multiplier les points de vue, y compris d'ailleurs ceux des bisons et des lapins. Dernièrement, on a vu l'éclosion de regards sur l'histoire un petit peu innovants, tels que l'histoire de l'environnement, de ce genre de choses-là, qui travaillent aujourd'hui de nouveau effectivement ce 19e siècle. C'est peut-être un des apports aussi de ces nouveaux champs, oui, d'apporter oui. un éclairage. Oui. J'ai cité les bisons et les lapins. Oui. Un des enjeux, c'était précisément d'intégrer toutes ces historiographies, ce qui n'est pas chose facile. Et donc, ces dates et ces objets traités dans la deuxième et la troisième partie ont été aussi pour nous un outil précieux pour faire un peu de place à ces manières d'écrire l'histoire. Alors les bisons et les lapins, c'est particulièrement éloquent puisque c'est du point de vue des bisons un siècle d'extermination en Amérique du Nord, et puis du point de vue des lapins le siècle de la colonisation de l'Australie. Alors on a par exemple traité comme date 1822, objet, l'animal, qui précisément cesse d'être considéré exclusivement comme un objet au 19e siècle. C'est Damien Baldin qui s'en charge. Et il étudie ce processus d'invention de la protection animale à partir de cette première loi de 1822 à Londres. Et puis ces enjeux environnementaux peuvent être aussi abordés à travers des dates, des objets, comme par exemple la fondation du parc Yosemite en 1864. Pendant la guerre de sécession, une création qui traduit l'émergence de nouvelles préoccupations environnementales. Oui, Christophe Charles, on sait combien au XVIIIe siècle, par exemple, une grande ville comme Paris finit par destiner toutes les parcelles qui sont aux alentours à sa propre production et à sa propre consommation plutôt, c'est-à-dire que les bourgeois parisiens vont acheter en périphérie de Paris des terrains qu'ils vont ensuite destiner à la revente des cerises de Montmorency, des asperges d'Argenteuil ou des poires de Montreuil. Et là, on a l'impression que ça se passe, mais dans l'espace mondial, ce qu'explique certains des articles de cette histoire du monde au 19e siècle, les moutons vont accompagner les lapins en Australie et en Nouvelle-Zélande pour fournir l'industrie lainière britannique de ces années-là. Oui, et puis le bétail d'Argentine qui va par congélateur arriver pour nourrir aussi les Européens qui ont abandonné l'élevage pour se spécialiser sur autre chose. Donc il y a effectivement ce phénomène-là de déterritorialisation où l'agriculture devient une spéculation comme une autre et va se déplacer au fil des coûts et des avantages comparatifs, enfin selon un modèle que nous connaissons aujourd'hui à une échelle absolument hallucinante où un produit surgelé peut faire trois fois le tour du monde avant d'arriver dans votre assiette. Donc c'est le début de ce phénomène de décalage entre les lieux de production, les lieux de consommation, parce qu'il y a justement cette révolution des transports et cette capacité d'une agriculture spéculative. Moi, je voulais aussi évoquer ce qui est très original dans le livre, c'est le jeu entre justement ces objets, ces dates et le cahier d'illustration, parce que ça permet justement peut-être aux lecteurs qui pourraient pourrait être un peu perdu dans ces chronologies ou dans ces mondes qu'il ne connaît pas de façon familière, de mieux voir concrètement comment tout cela s'agence. C'est-à-dire, on peut voir d'ailleurs la Victoria des Yoruba. Voilà, la Victoria des Yoruba. Le temps universel, ça passe aussi par la généralisation des horloges, le fait que les trains doivent arriver à l'heure en principe et surtout avoir des points communs pour pouvoir faire des correspondances entre les parties du monde. Sinon, et que ce soit à Bombay ou ailleurs. Sinon, vous ratez le transsibérien, ce qui est toujours ennuyeux, puisque vous le prenez souvent maintenant, etc. Donc, il y a tout un tas d'effets sur la vie quotidienne et sur la représentation. Hein. C'est le livre le plus célèbre du 19e siècle, c'est le train de 8h47. Hein. C'est très important, le train de 8h47. Donc, on arrive à... Non, mais dans l'article sur le Krakatoa, on sait exactement le moment précis, à 2 minutes près, quand l'explosion du Krakatoa a lieu et qui a été entendu à des centaines de kilomètres et on a pu mesurer le bruit du Krakatoa. C'est la première fois qu'on peut mesurer un phénomène mondial. Ce qui fait une différence avec l'explosion d'un autre volcan qui était au cœur d'un autre ouvrage qui s'appelait L'histoire du monde au 15e siècle, dirigé par Patrick Boucheron, parce que là, on n'a pas su, il n'y a pas de contemporain pour pouvoir avoir vu l'explosion de ce volcan en plein cœur du Pacifique à cette époque-là. Là, le Krakatoa, c'est toute la différence. Oui, précisément. L'éruption du Krakatoa en 1883 est, par définition, ce qu'on appelle un événement global, à tout point de vue. Alors, il y a plusieurs interprétations sur l'influence de l'éruption, sur, par exemple, le mouvement impressionniste en France. Pourquoi, en raison de l'éruption, enfin de la projection de cendres, voilà, des rougeoiements dans le ciel visible depuis l'Europe. Pourquoi un événement global? Parce que cette éruption a induit une chute de la température mondiale de 0,5 degrés pendant plusieurs mois. Mmh. Anaïs, qui a... Il y a un fait assez intriguant aussi dans votre introduction, Pierre Singer-Avelou, c'est la façon dont vous décrivez ce 19e siècle qu'on nomme même avant qu'il ne commence, c'est-à-dire une forme d'attente de ce moment-là qui intrigue. Vous passez très vite d'ailleurs sur cette question-là, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors là, je pense que c'est la question de l'historicité et du rapport au temps, du nouveau rapport au temps suscité par la Révolution française, notamment au tout début du 19e siècle. Avec cette volonté, notamment des élites intellectuelles, politiques, d'anticiper l'avenir, de penser les futurs possibles, cette sensation, y compris là, qui est ressentie dans les classes moyennes et peut-être les classes populaires, d'une accélération du temps. Donc la Révolution française, c'est d'abord et avant tout une brèche dans cet ordre du temps, ce rapport entre le passé, le présent, le futur. Et d'un temps peut-être davantage prometteur que ceux qui l'ont précédé. Alors un temps qui peut être prometteur, mais un temps qui peut aussi angoisser. Hein. Ces futurs sont craints autant qu'ils sont espérés, sans doute. Et c'est peut-être une des grandes différences entre ce 19e siècle qui nous ressemble tant aujourd'hui, comme l'a dit Christophe Charles, et le temps présent qui est obsédé par ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire cette obsession du présent et cette difficulté de se projeter dans l'avenir. Oui, parce que ce 19e siècle, il faut le rappeler, Christophe Charles, c'est celui qui refait remonter l'origine de l'homme à beaucoup plus haut qu'auparavant. La naissance de ce qu'on a appelé la paléontologie ou la préhistoire. C'est celui qui invente même la discipline historique telle qu'on nous la connaissons aujourd'hui. Enfin, c'est du moins ce qui se passe dans les années 1830. Et donc, effectivement, c'est un rapport au temps très particulier qui plonge sûrement aussi les contemporains, comme vous le disiez tout à l'heure, Christophe Charles, dans une sorte de trouble. On n'est plus aussi assuré d'être dans un fil du temps qui est déjà écrit par les grands livres, en particulier les grands livres monothéistes. Alors, je vais non pas répondre moi-même, mais je vais emprunter la voix de Georges Sand qui a déjà répondu à votre question. Donc, il me semble que c'est gentil de faire... C'est passé au 19e siècle. C'est gentil de faire venir cette personne qui n'avait pas été invitée ce matin. Alors je cite Georges Sand, donc c'est dans Histoire de ma vie, publié en 1855. C'est à ce moment que nos prévisions l'attendent et que nous nous demandons si, après l'éclat éphémère des derniers trônes, les civilisations de l'Europe se continueront en république aristocratique ou démocratique. Là apparaît l'abîme, une conflagration générale ou des luttes partielles sur tous les points. Quand on a respiré seulement pendant une heure l'atmosphère de Rome, on voit cette clé de voûte du grand édifice du vieux monde si près de se détacher qu'on croit sentir trembler la terre des volcans, la terre des hommes. Mais quelle sera l'issue? Sur quelle lave ardente et sur quels impurs limons nous faudra-t-il passer? De quoi vous tourmentez-vous là? L'humanité tend à se niveler, elle le veut, elle le doit, elle le fera. Alors il y a à la fois, vous voyez, la grande inquiétude dans la première partie du texte, puis après cette croyance qui était spécifique des intellectuels, en tout cas d'une partie des intellectuels du 19e siècle, qu'il y a quand même un sens à l'histoire et que cette histoire va vers le mieux. Alors, aujourd'hui, il faut vraiment lire les deux parties de la proposition. Donc c'est un peu ça que ressentait tout le monde. Alors selon leur tempérament et leurs orientations politiques, c'était plutôt le premier, tout va s'effondrer, ou le deuxième, oui, mais après l'effondrement, on va reconstruire. Et je crois qu'on reste un peu sur cette problématique, même aujourd'hui. Oui, à la place de l'isolement des provinces et des nations, se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une dépendance universelle des nations, les unes envers les autres. Karl Marx et Friedrich Engels, c'était en le manifeste du Parti communiste en 1848. George Sand n'avait pas lu Karl Marx, mais peu importe. Peut-être n'était-il pas d'accord exactement avec ce qu'il préconisait en l'occurrence. Merci à tous les deux d'être venus évoquer le travail que vous avez mené collectivement avec une centaine d'historiennes et d'historiens. Pour cette histoire du monde au 19e siècle qui nous a donné envie de revenir sur ce 19e siècle. Vous y revenez demain avec un documentaire, Anaïs Kien. Absolument, alors qui parle plutôt de ceux qui ont peur que tout s'effondre au 19e siècle, en l'occurrence l'Église catholique qui a perdu depuis la Révolution française l'autorité sur le mariage des hommes et des femmes. De manière générale, il va bien falloir s'y faire maintenant. On peut se marier sans l'Église. Et vous prenez un exemple très particulier. Absolument, à travers le mariage de Émile de Perrer, donc le fils de l'Émile Perrer qu'on connaît surtout aujourd'hui dans l'Ouest parisien, et de Suzanne Chevalier, deux enfants de l'élite de cette très haute bourgeoisie du Second Empire, dont les parents se sont rencontrés à travers l'aventure du Saint-Simonisme, qui vont se marier, effectivement, qui vont bricoler d'une certaine façon, qui vont essayer d'innover dans le rituel du mariage, et ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, parce que l'un est juif et l'autre est catholique. C'est un mariage qui a été très, très médiatisé, comme on dirait aujourd'hui. Ce mariage entre un jeune homme d'origine juive et une catholique déplaît au milieu intransigeant et pose le problème de l'autorité de l'Église, même si ce type de mariage a toujours eu lieu, mais ils sont beaucoup plus nombreux dans la capitale, parce que c'est désormais à Paris que se concentre la plus grande partie des minorités religieuses. Songez qu'à Paris, sous le Second Empire, il doit y avoir à peu près 20 000 juifs, il y en avait 800 à la veille de la Révolution. Pour vous donner une idée, quand même, on est même tombé sur un mariage dans ces années 1860 entre un catholique et une juive, qui a eu lieu dans un temple protestant. Vous voyez que c'est assez subtil. Il y a des choses assez bizarres qui se passent dans cette décennie, du point de vue purement doctrinal, enfin disciplinaire, si j'ose dire. Les familles jouent beaucoup avec les règles religieuses. Dans ces années 1860, on est sur un culte à la carte. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des négociations rituelles, manipulations de règles, sachant que de toute façon, les autorités de tous les cultes sont confrontées au fait que si elles ne cèdent pas, si elles ne laissent pas faire, si elles ne ferment pas les yeux sur ces manipulations, les gens vont ailleurs. Quoi qu'il en soit, pour l'Église, ces mariages, ce sont uniquement des mariages civils. Mais dans les milieux de la haute société parisienne, un mariage doit nécessairement s'accompagner d'une cérémonie. Le mariage civil n'apparaît pas suffisant, mais il existe. Il y a bien une cérémonie, il est même premier, puisqu'en vertu du code civil, le mariage civil doit avoir lieu avant le mariage religieux, mais il n'est pas suffisant, il n'est pas conçu comme suffisant. Quand on étudie ce mariage, en fait, ce qui pose le vrai problème, c'est la messe. La messe pose un problème parce que on touche au sacré. Au XIXe siècle, il y a la loi sur le blasphème de Charles X. C'est quelque chose qui peut encore être dans les esprits. Et qu'un juif épouse une catholique et qu'il y ait une messe, et surtout que l'autorité ecclésiastique, en tout cas parisienne, française, pas romaine, accepte ça, pose un vrai souci, parce que ça veut dire que l'empereur, lui, aussi cautionne ça. Et l'Église, qui est complètement perturbée à un moment où apparaissent d'autres idées, notamment le socialisme, qui la combattent, se dit que par ce mariage, il y a une brèche, une attaque, et elle doit se défendre. Donc oui, ces pauvres mariés, je pense, se sont trouvés au cœur d'un scandale qu'ils n'imaginaient même pas. un mariage qui fait scandale, donc sous le Second Empire, c'est le thème du documentaire Demain que vous avez proposé donc Anaïs Quin avec Anne Fleury, et puis mercredi et jeudi on continuera sur ce 19e siècle. Absolument, alors mercredi, c'est la guerre, le 19e siècle est guerrier, mais surtout ces guerres sont de manière relativement inédite, très médiatisées, et on aura avec nous des auteurs qui font partie du collectif de l'histoire du monde au 19e siècle. Alors certains ont découvert un peu l'histoire de ces guerres à l'occasion de ce volume, puis d'autres ne vous ont pas attendu, Pierre Saint-Garvez-vous, pour se plonger sur cette question. Et puis jeudi, on s'intéressera à l'objet et à la matière du 19e siècle, avec Manuel Charpie et François Jarret. J'en reviendrai donc sur cette histoire matérielle, sur cette matérialité du 19e siècle. À propos de matérialité, sachez que la chaire du Louvre donc traite donc au Louvre tous les lundis pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, de une histoire du regard, l'expérience du musée au 19e siècle par l'intermédiaire de Pascal Griner, et que ce soir il donnera une conférence au Louvre donc à Paris à 19h entre le Fogg et les vitrines, les musées à Londres en 1879. Merci à tous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Pierrick Monsigny nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Vous pourrez évidemment réagir à cette émission en discutant avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en nous suivant, sur le site Twitter, donc Fabrique FC. Fabrique FC, c'est l'adresse Twitter de la Fabrique de l'Histoire.